Bon bah bienvenue sur ce petit podcast consacré en fait à la découverte du jeu de rôle. Donc j'ai avec moi Gérard Rengan, si tu veux te présenter. Oui, c'est Girangan. Girangan, je suis enseignant d'art au Cameroun, à Yaoundé. J'enseigne les arts dans les lycées et puis à Polytechnique, où j'enseigne également des arts numériques. Mais je suis également curateur indépendant dans mes moments perdus, mais aussi artiste plasticien, parce que je fais la photographie, je fais la peinture de temps en temps. Et puis, je suis également très passionné par la question du jeu de société. Et puis, il y a quelques mois déjà, je suis entré en contact avec Thomas qui m'a introduit dans la question du jeu de rôle. Parce que moi, je me suis toujours demandé, mais c'est quoi le jeu de rôle? J'entendais ça un peu partout. C'est quoi le jeu de rôle? Et puis, donc, j'ai eu la chance de tomber sur Thomas à travers Internet. Et puis, oui. C'est ainsi que je me trouve là aujourd'hui, donc ce n'est qu'un plaisir d'être là. On va peut-être préciser pour notre auditoire que tu es impliqué notamment dans un festival de jeux de société à Yaoundé, là, le festival Pousse-Pion. Ah oui, Voilà, oui. donc de ce que j'en vois quand même, vous connaissez au Cameroun, vous connaissez le jeu de société, il n'y a pas de problème, vous connaissez bien. Je pense que le jeu vidéo aussi, vous connaissez pas mal, hein, j'ai vu pas mal de choses autour du jeu vidéo au Cameroun. Ah oui, le jeu vidéo d'ailleurs, c'est une question lointaine. Le jeu vidéo, c'est une question lointaine au Cameroun. Moi, j'y ai joué, j'étais petit déjà, j'étais très petit, je jouais aux jeux vidéo, j'ai connu la Game Boy et puis on a Ouais, évolué voilà. aujourd'hui, c'est des Xbox, c'est des jeux très évolués. J'ai pratiquement joué à tous ces jeux. Et oui, tu l'as d'ailleurs déjà précisé d'entrée de jeu, je suis également promoteur d'un festival de jeux de société, le Festival international des jeux de société et des communautés de Yaoundé, qui sera à sa 4e édition dès le 17 novembre 2022. Et d'ailleurs, je profite de cette plateforme pour dire que nous sommes ouverts à d'éventuels partenariats. Hein. Bon. Ouais, c'est ça, parce que moi, a priori, ce que j'ai prévu, c'est de proposer des parties de jeux de rôle en ligne dans le cadre de ce festival, quoi. Et du Effectivement. coup, peut-être que s'il y a d'autres francophones qui sont intéressés par vous proposer la même chose, ben, je suppose que tu y es ouvert, quoi. Effectivement. Ouais, Parce que très bien. je me dis là, la question du jeu, bien qu'elle soit la question du jeu de société, bien qu'elle soit un peu en retrait dans notre contexte africain, camerounais, plus principalement yaoundéen, on en a besoin. On en a besoin parce que le peu que nous faisons, nous sommes déjà très sollicités et on se dit, il faudrait multiplier les choses. Il faudrait que le jeu rentre dans les écoles, le jeu de société rentre dans les écoles, que le jeu de société soit à nouveau présent dans les salons, dans les maisons, dans les hôpitaux, ainsi de suite, en fait, que cette question soit démocratisée. Ouais, très bien. Alors, je vais me présenter rapidement aussi, si tu veux bien, pour ceux qui nous écoutent. Du coup, je m'appelle Thomas Munier, je suis français et je suis essentiellement auteur de jeux de rôle. Et puis, j'ai un blog en fait qui s'appelle outsiderart.blog et qui propose aussi beaucoup d'articles génériques sur le jeu de rôle, quoi. En plus de mes propres créations, quoi. Je parle un peu aussi pas mal de jeux de rôle en général. Et il y a un article qui va nous intéresser dans le cadre de cette émission là, que je viens de sortir et qui du coup qui est un peu le complément de la conversation qu'on va avoir là tout de suite. C'est un article qui s'appelle Comment débuter en jeu de rôle à partir de rien. Donc l'idée c'est que on va dire on s'adresse là dans notre conversation, on va s'adresser en priorité aux personnes qui connaissent le jeu de rôle de loin et qui n'en ont jamais fait et qui savent même pas trop en quoi ça consiste exactement, quoi. Donc là, vraiment, on part vraiment des bases. Et puis du coup, l'idée, c'était que tu allais me poser des questions sur le jeu de rôle ou même donner tes propres impressions, parce que du coup, on a fait quand même quelques parties ensemble. Et on va essayer d'expliquer Effectivement. comme ça à l'oral eh bien, comment ça se passe une partie de jeu de rôle, comment on peut faire, quoi. Ah oui. Parce que tu vois, Thomas, nous sommes dans un contexte africain où la question des cultures, elle est encore très présente. J'ai même envie de dire que tout est encore vierge. On s'inspire très peu, mais ce que j'ai remarqué dans le jeu de rôle, c'est qu'il y avait cette histoire des univers qui intervenait toujours. Il y avait cette histoire des personnages, il y avait cette histoire même de l'histoire, de l'histoire, si je peux me permettre de le répéter ainsi. Et puis nous, en Afrique, nous avons encore nos contes qui sont disponibles. Nous avons nos légendes qui sont disponibles. Et puis moi, je me dis, mais tiens, le champ, il est encore fertile. Il faudrait peut-être exploiter ce champ-là pourquoi ne pas un jour à l'avenir intéresser aussi à l'avenir voir peut-être un premier jeu de rôle qui vienne d'Afrique. Et donc, si on veut aboutir à ça, il faudrait davantage apprendre auprès des personnes comme vous, auprès des rôlistes étrangers déjà. Bah, c'est un peu ce qu'on a essayé de s'appliquer à faire pour commencer quand on a fait nos parties ensemble. Puisque du coup, moi, j'ai voulu te proposer en fait que nos parties de jeux de rôle, elles aient lieu dans un contexte du Cameroun, quoi. Ah oui, effectivement, c'est ce que nous avons fait. Voilà. Sachant que c'était un peu particulier, parce que moi, comme je, toi, tu connaissais pas trop les règles du jeu de rôle, puis moi, je connais forcément pas trop bien non plus le Cameroun. Donc, on s'est un peu réparti la tâche, quoi. Je me suis occupé d'un peu de la partie règles, et puis toi, tu t'occupais de la partie culturelle, quoi. En fait, pour créer une sorte d'univers camerounien, quoi. Camerounais, oui. Camerounais, bien sûr. Bien. Est-ce que tu as une question à me poser pour commencer l'explication du principe du jeu de rôle, ou est-ce que tu préfères que je fasse une définition déjà? Ah, moi, je parle plus pour une définition parce que, tu sais, le podcast, il n'est pas que destiné à la communauté des rôlistes puristes. Et il est aussi destiné non, à... Non, c'est vraiment pour les... Au contraire, plutôt pour les débutants. Voilà, ouais. Pour les débutants. Donc, je préfère que tu partes sur la question même de c'est quoi le jeu de rôle, pourquoi le jeu de rôle, depuis quand cette pratique? Ouais. Alors, il faut savoir que quand on dit jeu de rôle, on va entendre plusieurs choses. Des fois, on va entendre parler de jeu de rôle grandeur nature. Donc ça, on va pas en parler. Le jeu de rôle grandeur nature, c'est quand on joue en costume et en fait qu'on incarne vraiment son personnage comme un acteur, quoi. Donc ça, on va pas en parler. Enfin, bon, on pourra en parler à la fin si quand même ça t'intéresse. Il y a les jeux de rôle sur jeux vidéo, quoi. Donc ça, c'est pareil, on va pas en parler. On va en parler du jeu de rôle jeu de rôle sur table ou jeu de rôle papier crayon, sachant que après je vais m'attacher aussi à quand même expliquer que en vrai bon on dit comme ça pour différencier des autres, mais on pourrait très bien se passer de table ou de papier ou de crayon. Après tout, quand on jouait ensemble, on n'avait pas tout ça, quoi. On jouait juste avec un micro. Oui. Bon, l'idée c'est que donc le jeu de rôle c'est un jeu narratif, hein, un jeu d'histoire, quoi. C'est-à-dire que contrairement quand on prend un jeu de société, en fait le monde du jeu, bah, ça va être un peu le plateau et les pions. Dans un jeu de rôle, il y a généralement, je dis bien généralement, pas de plateau ni de pions. En fait, les personnages, les décors sont dans notre tête, en fait, tout simplement, quoi. Et on doit raconter en fait ce qui se passe, quoi, puisqu'on n'a pas de support physique. Oui. Alors, il y a des jeux de rôle qui se jouent en solitaire. Je vais pas trop en parler, sauf si à la fin tu veux que je l'aborde. Je dis juste que ça existe. Là, on va essentiellement parler des jeux de rôle qui se jouent à plusieurs, au moins deux personnes, quoi. Donc ça va être des groupes généralement de 2 à 6, quoi. Oui. 2 à 6 personnes. Et donc ensemble, on va vivre une aventure imaginaire. Il peut y avoir une personne qui joue le rôle de maître de jeu. En fait, le maître de jeu, il va incarner le décor et les figurants. Et en fait, les autres personnes vont jouer chacune un personnage, quoi. Mm-hmm. C'est le MJ. Voilà, le MJ, on l'appelle aussi le MJ. Sachant que nous, quand on a joué, en fait, on a joué sans MJ. Il n'y avait pas un âge. Et le décor et les figurants, on se les partageait, quoi. La forme la plus répandue, c'est quand même avec MMJ, mais bon, je préfère quand même marteler qu'on peut s'en passer, quoi. Nous, on s'en est très bien passé. Oui. Mais c'est sûr que si on n'a pas de MJ, ça va demander plus d'efforts d'imagination à tout le monde, quoi. Ah, c'est ça. Ça va impliquer chacun, et il faudrait être créatif de part et autre. Voilà. Et donc l'idée, pour reprendre un petit peu ce que j'ai expliqué dans l'article, c'est que d'abord on va choisir un univers de jeu. Donc tu peux très bien dire que ça se passe dans ta ville, dans ton présent, mais on peut être plus exotique, dire que ça se passe dans un autre pays ou à une autre époque, dans le passé, dans le futur. On peut aussi bien sûr jouer dans des univers imaginaires quoi, aussi. Oui. Encore que le peu de temps où nous avons joué, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, de l'imagination. Oui, bien sûr. Bah, nous, par exemple, quand on a joué tous les De deux, j'ai dit que l'imagination. ça se passait dans le Cameroun, mais du futur, quoi. Du coup, bah, c'est sûr que Voilà. c'était quand même sans doute assez fantaisiste, quoi, hein. C'était pas très réaliste ce qu'on a décrit. Et donc, on a imaginé beaucoup de choses. On s'est pas privé de présenter des créatures surnaturelles ou également, à un moment, on a dit qu'on allait dans une station spatiale. Voilà, on a fait carrément des aventures de science-fiction à un moment, quoi. Donc, C'est ça. effectivement, bah, on peut être très fantaisiste, mais ça dépend de ce qu'on veut. Mais disons que le mieux, c'est de se mettre d'accord au début, quoi, parce qu'on peut faire des choses beaucoup plus réalistes, si on veut, quoi. Oui. Également, moi, je conseille de se mettre d'accord sur un petit peu l'ambiance de jeu, quoi. Je crois que moi, ce que je t'avais expliqué, c'est qu'on jouait une aventure, quoi. Donc, c'est un peu. On va jouer des héros qui essayent de surmonter des épreuves, quoi, en gros, quoi. Donc, c'est plutôt dans le registre de l'aventure. Mais en fait, on aurait pu choisir un autre registre. On aurait pu être dans le registre de l'horreur, dans le registre des drames, voire même des drames passionnels. On aurait pu être dans le registre contemplatif ou de juste raconter des histoires d'amitié. En fait, tous les genres narratifs que tu as dans la littérature ou dans le cinéma, dans les contes, tu peux les faire en jeu de rôle, en fait. Y a pas, donc tu peux faire vraiment le type d'histoire que tu veux, quoi. Donc ça, c'était pour une Oui, c'est ce définition du que... jeu de rôle, ouais. Oui. Non, mais c'est ce que j'ai trouvé passionnant dans les parties de jeu que nous avons eu à faire. C'est ce que j'ai trouvé passionnant. Mais je voudrais savoir, à certains moments, tu faisais intervenir des dés. Ah oui, là, tu as fait allusion au jeu de rôle papier, crayon. Oui, mais les dés, Tout à pourquoi les fait. dés? Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'au début, quand les jeux de rôle sont apparus, bon, faut que tu saches que les jeux de rôle, c'est apparu dans les années 70, et au début, ça utilisait des dés. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de jeux de rôle utilisent des dés. Donc, avant d'expliquer les dés, je tiens quand même à préciser que on peut s'en passer, en fait. On aurait pu se contenter de raconter les choses, et puis tant qu'on est d'accord sur comment les choses se passent, ben, elles se passent comme ça, quoi. Éventuellement, ça peut être le MJ qui tranche, en fait, s'il y a des litiges sur ce qui doit se passer. Supposons que, par exemple, tu sois joueur et que tu expliques que tu vas réussir à tromper un ennemi par la ruse. Eh ben, peut-être que le MJ va dire: ah oui, mais en fait, je trouve que ta ruse, elle est pas géniale, et du coup ça ne marche pas. Ou au contraire, il va dire: ah oui, non, vraiment, j'ai trouvé que la ruse que tu m'as racontée, effectivement, c'est une bonne ruse, et c'est sûr que l'ennemi va être dupé, quoi. Après, on peut le faire au consensus, c'est-à-dire que tu vas raconter ta ruse, et puis si tout le monde autour de la table trouve que oui, c'est bien, eh ben ça va marcher, quoi. Voyons, Voilà, on va on peut le valider. faire, en fait sans règles et vraiment juste en discutant. Dans l'article, je présente, il y a d'ailleurs pas les sections que je donne, il y a quelques jeux aussi qui ont des règles, mais c'est que des règles de discussion, donc il n'y a pas de dés et tout, mais ça va dire par exemple ce qu'on fait en cas d'incertitude. Du coup, je vais quand même répondre à ta question. Effectivement, dans les parties qu'on a faites jusqu'à présent, on utilisait des dés. Disons que le fait d'utiliser des dés, c'est un moyen, on va dire, un petit peu. C'est un moyen d'arbitrer nos décisions par le hasard, quoi. Comme ça évite, comment, ça évite qu'on se fâche, hein, tout simplement. Si c'est une situation indécise, plutôt que ce soit quelqu'un qui décide de la réussite de l'action, eh bien, on va lancer les dés. Donc, Et moi, je trouve le fait de lancer les dés comme solution moins partisane. D'ailleurs, elle n'est pas partisane parce que c'est du pur hasard. Tout à fait, tout à fait. Donc là, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour créer votre propre système de dés. Donc le mieux quand on débute, quand on n'a pas de matériel, c'est de juste utiliser le dé basique, c'est-à-dire le dé à 6 faces qu'on va trouver un peu partout, hein, je suppose. Et par exemple, on peut se dire, bon bah mettons que tu dois essayer de duper ton ennemi. Eh bien, on peut dire, tu jettes le dé, et puis si tu fais au-dessus de. Si tu fais 4, 5 ou 6, ben, c'est réussi, quoi. Voilà, si tu fais un bon score, c'est réussi. Après, on peut s'amuser à nuancer un peu les choses en mettant des niveaux de difficulté. Par exemple, un ennemi un peu idiot, eh ben, il suffit que je fasse un 2 au dé pour réussir à le duper. Un ennemi normal, effectivement, il faudra que je fasse 4. Puis un ennemi particulièrement lui-même rusé. Eh bien, je vais demander un 5 ou un 6, tu vois, pour le. Et si, attention, si je fais ça, on retrouve un côté un peu partisan, parce que la personne qui décide du niveau de difficulté, bah finalement, si j'ai pas envie que tu réussisses, tu vois, je vais dire, ah bah, il faut que tu fasses un 6, quoi. Donc, l'autre possibilité, pour avoir un système de dés qui soit pas trop partisan, c'est d'introduire ce qu'on appelle des compétences. Par exemple, alors je vais donner un exemple. On pourrait dire que la difficulté moyenne d'un jet de dés, c'est 4. Si tu fais 4, 5 ou 6, tu réussis. Donc ça fait une chance sur deux, on est d'accord, hein? Mais tu peux avoir des compétences. Mettons, par exemple, je vais dire que tu peux avoir trois compétences qui vont donner un bonus, une qui va donner un bonus de 1, une qui va donner un bonus de 2, une qui va donner un bonus de 3. Et donc, par exemple, vous pourrez dire ruse, combat, et puis discussion. Par exemple. Et Oui, donc, ça fait quoi? voilà, mettons, ton personnage, j'invente hein, totalement, hein. Je lui ai mis ton personnage à plus 3 en ruse, plus 2 en combat et plus 1 en discussion. Ah, il veut convaincre, il veut duper l'ennemi, il va utiliser la ruse. Donc je jette mon dé à 6 faces, je rajoute 3 parce que j'ai plus 3 en ruse. Donc c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est même quasiment. Là pour le coup c'est automatique, je vais réussir automatiquement la ruse sur cet ennemi. Alors je pense que du coup mon système il n'est pas bien, je pense qu'il faudrait avoir un max de plus 2 parce que pour éviter les réussites automatiques. Donc mettons voilà, tu as plus 2 en ruse. Eh bien ça veut dire qu'au lieu de réussir sur un 4, 5 ou 6, tu vas réussir sur 2, 3, 4, 5, 6 quoi. Donc, après, bon, voilà, je donne des chiffres, c'est totalement arbitraire, vous pouvez faire vos réglages autrement, quoi. Mais l'idée, c'est que on a toujours eu la même difficulté, mais la compétence vient te donner un bonus qui fait que eh bien, tu vas plus facilement réussir selon les moyens que tu vas utiliser, quoi. Effectivement. Voilà. Après, les systèmes de dés, il y en a des milliards différents, quoi. Il y en a des très simples, il y en a des très très compliqués. Oui, j'ai vu quelquefois des images des dés à 12 faces. En fait, j'ai vu des formes de dés pratiquement inconnues. Oui. En fait, dans les jeux de rôle, en tout cas occidentaux, tu vas trouver des fois le dé à 4 faces, donc le dé à 6 faces, le dé à 8 faces, le dé à 12 faces, et le dé à 20 faces. C'est les dés que tu as le plus de chances de rencontrer. Après, si par hasard tu as trouvé un jeu de rôle sur internet et que tu veux jouer et que tu n'as pas les dés, eh bien tu peux utiliser des lanceurs de dés sur internet. Après, je rajouterai dans l'article, je mettrai un lanceur de dés, quoi. Par exemple, si tu n'as pas de DA 20 faces sur Internet, tu vas trouver des DA 20 faces virtuelles, quoi. Tu n'as qu'à lancer les dés. Ouais. Et puis, bon, comme ça, j'ai pas de truc en tête. Mais tu peux aussi télécharger des applications gratuites pour téléphone avec des dés virtuels, quoi. Des lanceurs de dés. Ouais, voilà, ouais. Donc, c'est pas forcément grave si tu n'as pas les dés en physique. D'accord. Et bon, je voudrais savoir parce que je ne sais plus, je ne me rappelle pas exactement où j'ai vu ça, mais il y avait, je fais allusion à ça parce que tu as parlé de télécharger des applications. Et donc, je crois que j'ai vu une application ou quelque chose qui faisait dans le bruitage en lui, le bruitage ou la musique. Pourquoi? Oui. Eh bien, il y a au moins un site internet. Bon, il y a sans doute plein de choses, hein, je suis loin de tout connaître. Mais il y a au moins un site internet qui s'appelle Tabletop Audio. Je mettrai les liens avec le podcast, hein. Et Tabletop Audio, tu as accès à une sorte de table de mixage, effectivement. Et donc, si tu veux mettre un bruit de pluie, si tu veux mettre des bruits de forêt, tu peux créer ta propre bande sonore, effectivement. Donc, ça, c'est très bien si tu veux faire une partie de jeu de rôle très axée sur l'ambiance, quoi. Après, petit conseil aux débutants, quand vous décidez de passer de la musique pendant vos parties, il y a un problème avec la musique, en fait, c'est si vous changez le. En fait, mettons, on est en train de. On joue une aventure qui se passe dans un village, donc c'est une conversation, c'est calme, on prend des renseignements. Là, je vais mettre, je sais pas quoi, je vais mettre un petit bruit de pluie, quoi. Et puis, Ah ouais. après, en fait. Juste après, mettons qu'il y a des monstres qui attaquent le village, et donc il va y avoir un combat ou en tout cas une confrontation avec les monstres. On est sur l'histoire en fait est sur un rythme plus trépidant. Et en fait, si j'ai toujours le bruit de pluie tout calme derrière, ça tu vois, ça fait une dissonance quoi. Donc il faut essayer de faut avoir l'idée soit de couper la musique quand elle est plus appropriée, soit de passer voilà sur une musique qui est plus appropriée quoi. Donc, sur une confrontation, essayer de trouver une musique avec un rythme un peu plus speed, hein, un peu plus rapide. Voilà, il faut réussir. Bah, voilà, c'est un peu quasiment comme si tu créais une bande son d'un film, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je dirais que le plus simple, en fait, c'est d'avoir de préparer deux playlists ou deux logiciels. Deux applications, une ambiance calme et une ambiance rapide. Ça vraiment, tu fais comme ça au plus simple. C'est juste que quand tu passes à une ambiance rapide, ben tu vas changer de musique comme ça quoi en un clic. Oui. Sinon, alors c'est très personnel parce que entre guillemets les autres auteurs de jeux de rôle ne le proposent pas à ma connaissance. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait des playlists pour mes jeux. Et en fait, tu cliques et ça te sort un album au hasard. Et ça va te jouer la musique comme ça. Et chaque album est décrit avec l'ambiance que ça fait, quoi. Oui. Mais ça, c'était beaucoup de travail à proposer. J'ai pas vu trop. Enfin, je dis pas que ça n'existe pas du tout. Mais j'ai quand même vu assez. J'ai pas vu beaucoup de concurrents le faire, quoi. Oui. D'accord. Oui, ça c'est intéressant pour ce qui concerne le bruitage, les bandes de son et autres. Allô, tu es là? Tout à fait, ouais. Oui. Voilà, maintenant je voudrais qu'on parle de la question des publics. Moi, je suis constamment avec des enfants à l'école. Je suis tout le temps avec des étudiants. Mais moi, je joue. Je suis un adulte. Je joue. Mais je trouve quand même que tout le monde peut avoir sa place dans le jeu de rôle. Et donc, quels sont les types de jeux adaptés à chaque type de public? Ouais. Alors, Le jeu de rôle, a priori, tu peux commencer à partir, moi je dirais, de 4 ou 5 ans, fonction à quel point l'enfant il est, on va dire, familier avec l'imaginaire, quoi. Bon, je veux dire, n'importe quel enfant qui écoute beaucoup d'histoires, de contes, ou voit des choses à la Et qui télé, regarde beaucoup la télé. voilà. Après, c'est surtout que plus ils sont petits, plus il faudra que ce soit court, quoi. Et donc, voilà, si tu faut, c'est 20 minutes, quoi. C'est une partie de 20 minutes avec les plus petits, tu peux pas faire plus, quoi. Et puis ça dépend aussi bien sûr du nombre d'enfants que tu as avec toi. Donc voilà, ça c'est pour l'âge C'est entre ça. guillemets minimum, quoi. Après, bon, évidemment, moi je recommande jusqu'à 99 ans, il n'y a pas de souci. Après, c'est évident, comme tu le Ah oui. soulignes, que je vais pas proposer forcément les mêmes jeux de rôle en fonction de la tranche d'âge. Il y a déjà au niveau des règles, bah, plus ils sont jeunes, évidemment, plus il faut que tu aies des règles qui soient simples. Donc, par exemple, si je Oui, joue avec des tout petits, tu sais, tirer à pile ou face pour savoir si tu réussis ou si tu rates, c'est bien assez, quoi. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué, quoi. Et donc, évidemment, plus tu vas progresser dans les tranches d'âge, plus tu peux proposer des règles plus compliquées. Mais c'est pas obligatoire, en fait. Ça, c'est vraiment juste au goût de chacun, parce que on peut faire, enfin, même entre adultes, on peut faire des super parties de jeux de rôle avec des règles très simples. Hein. Parce qu'il y a des adultes aussi qui aiment pas les règles compliquées, quoi. Tout ce qui les intéresse, c'est l'histoire, quoi. Donc voilà. Après, ça va dépendre de ton public. Ouais. La complexité des règles. Et après, évidemment, il y a aussi l'ambiance. Bah, fatalement, si tu joues avec des jeunes, tu peux pas te permettre les mêmes thématiques qu'avec des adultes, hein, c'est évident. Ça veut dire que déjà, Avec si des tu joues adultes, avec voilà. voilà, si tu joues avec des enfants, bah, je dirais qu'il faut pas de personne, aucun personnage, que ce soit les personnages des joueurs ou que ce soit les figurants. Les personnages qui sont joués par le MJ ou en tout cas par personne, quoi. Ni aucun personnage ni aucun figurant ne devrait mourir, tu vois. Tu peux interdire la mort. Peut-être même que tu peux aller Oui. jusqu'à dire il n'y a pas de combat, quoi. C'est-à-dire que, mettons que les personnages rencontrent, je sais pas, un monstre, mais en fait, on va pas résoudre la situation par le combat. C'est peut-être qu'en lui offrant des fruits ou en utilisant la ruse, eh ben, on va réussir à échapper au danger que représente le monstre, tu vois. Moi, je Oui. conseillerais effectivement d'éviter le combat et la mort pour les plus jeunes, quoi. Voilà, donc éviter les situations assez complexes de violence exagérée. C'est ça, oui. Disons que si Bon. tu voilà si un dessin animé si tu voudrais pas le montrer à un enfant ben il faut pas que tu mettes le ben, c'est en fait voilà c'est comme quand tu choisis à montrer un dessin animé ou un film ou à raconter une histoire à des enfants ben, tu vas pas leur raconter n'importe quoi tu vas c'est un peu sélectionné c'est pareil pour l'ambiance de jeu de rôle que tu veux quoi. Super. Bon, là, à propos de... Je suppose que tu m'entends bien. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, à propos de la complexité des règles, il est évident que même dans la question du jeu de société, quand les règles sont très compliquées, les gens sont un peu fatigués, ils mettent à côté. Ça, c'est une remarque que j'ai faite souvent lors de nos animations, lors du festival et autres. À chaque fois que un jeu a des règles compliquées, on le fuit un peu, même si le jeu en lui-même, il est facile. Je ne sais pas, dans vos expériences en tant que rôliste attitré, est-ce que ça se vit aussi là-bas, ce phénomène-là? Oui, tout à fait. Après, ça dépend bien sûr du public. Peut-être qu'en Europe, il y a une partie du public qui est plus habituée à des jeux de société, tu vois, très compliqués. Et du coup, c'est pareil au niveau du jeu de rôle. Bon, je sais qu'il y a un public pour des jeux de rôle compliqués, ça existe en Europe, hein. Après, c'est vraiment à tester. C'est vraiment à tester. Quand on part de zéro, tu sais pas. De toute façon, il faudra toujours mieux commencer par quelque chose de simple. Et puis, bah, essayant des choses, on va se rendre compte qu'on est plus à l'aise avec un peu plus de complexité. Je vais quand même expliquer c'est quoi l'intérêt de la complexité en jeu de rôle. C'est qu'en fait, moins il y a de règles, souvent plus c'est partisan, arbitraire, quoi. C'est-à-dire que si c'est entre guillemets, par exemple, le MJ qui décide de la réussite des actions, ou si on tire à pile ou face, ben tout ça quand même c'est un peu arbitraire, quoi. Et t'as pas, en fait, quand tu joues ton personnage, tu peux avoir l'impression que finalement tu n'as pas de poids sur l'action, quoi. En fait, souvent quand on rajoute des règles compliquées, ça permet en fait de donner plus de poids aux actions des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es malin, que tu utilises bien les règles, tu vas pouvoir tourner les situations à ton avantage. Donc c'est ça l'intérêt des règles compliquées, quoi. C'est que tu pourrais te débrouiller situation où avec des scènes de règles simples, ça n'aurait pas marché, quoi. L'autre D'accord. avantage des règles compliquées, c'est tout simplement quand le jeu te propose de découvrir un univers ou une ambiance qui ne t'est pas familière et que tu ne saurais pas recréer comme ça juste à l'oral, quoi. Donc par exemple, tu as des jeux avec des systèmes de création de personnages qui sont effectivement assez compliqués, mais du coup, tu as un personnage qui est vraiment unique et très typique de l'univers où on veut te faire aller, quoi. Donc, par exemple, imaginons qu'on fasse un jeu de rôle dans un Cameroun un peu fantastique. Peut-être qu'on voudrait faire un système de création de personnages qui permette de bien différencier selon que ton personnage c'est un guerrier, s'il est un griot, s'il est un sorcier. Il ne saura pas faire les mêmes choses, il n'aura pas les mêmes compétences. Peut-être que le sorcier, il aura accès à de la magie, je sais pas. Là, je parle sous ton contrôle, hein, parce que je dis peut-être des bêtises. Oui. Peut-être que le Non, pas guerrier, du du tout. coup, voilà, le guerrier, il aura accès peut-être à des armes que les autres ne peuvent pas utiliser, ou à un prestige que les autres n'ont pas, et ainsi de suite. Enfin, la création de personnages peut aussi donner des indications, tout simplement de contexte, en disant voilà c'est quoi un sorcier, comment dans les mythologies camerounaises, voilà c'est quoi un guerrier dans les mythologies camerounaises, quels sont ses rôles. C'est pas forcément des règles avec des chiffres, mais ça peut être juste dire, vraiment expliquer c'est quoi le rôle, quoi. Sachant qu'on peut aussi faire aller encore plus loin dans cette complexité en créant en fait ce qu'on appelle des personnages pré-tirés. C'est-à-dire que la feuille de personnage, c'est pas juste la feuille du guerrier ou de la guerrière, mais c'est un guerrier ou une guerrière particulier. Il a un nom, il a une histoire, par exemple, il s'est battu avec son frère aîné à une époque, depuis ils sont fâchés. Par exemple, il doit protéger telle personne dans le village, c'est très important. Il connaît telle espèce de plante médicinale et ainsi de suite. Il a tel but dans la vie. En fait, on a un personnage qui a vraiment une histoire, tu vois, un peu comme un personnage de roman. Et c'est un peu comme si je te donnais aussi, tu sais, comme dans une pièce de théâtre où je vais te donner un personnage à interpréter. Dans la pièce de théâtre, généralement, ce qu'on te donne, c'est surtout les dialogues. Oui. Là, je ne te donnerai pas les dialogues, mais je te donnerai le contexte du personnage, toute son histoire, son vécu, comment il est placé dans la société, quoi. Et toi, tu devras interpréter ce personnage à partir du passé que je t'ai décrit, quoi. Donc ça, c'est une sorte de complexité aussi, mais qui est, c'est vrai, c'est bon, peut-être pour commencer, c'est peut-être un peu dur de commencer avec ça, mais ça peut être appréciable si tu veux jouer vraiment un personnage très très typé, ben un petit peu vraiment sortir de toi, puis jouer quelqu'un qui est très différent de toi, quoi. Voilà. Alors là, je m'intéresse sur OMJ, le maître du jeu. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la MJ? Voilà, je m'intéresse au OMJ, le maître du jeu. Je fais savoir qu'il y avait des jeux qu'on pouvait pratiquer le jeu de rôle avec un MJ ou alors sans un MJ. Mais maintenant, comment devenir, comment est-ce qu'un maître de jeu? Est-ce que le maître de jeu est toute l'histoire dans son entièreté? Alors, presque dans son entièreté, parce qu'il y a quand même un élément de l'histoire que le MJ ne contrôle pas, ce sont les personnages des joueurs et des joueuses. C'est important. Ça veut dire que quand tu, en tant que MJ, quand tu vas préparer ton histoire, tu dois tenir compte du fait que tu ne sais pas ce que vont faire les personnages. Quand ils vont faire des choses, tu sais même pas s'ils vont réussir, quoi. Et donc, ça veut dire que souvent, moi, ce que je conseille, en fait, quand tu es MJ et que tu veux préparer ton histoire, c'est que tu vas... fait, tu peux pas écrire une histoire classique comme un conte, où tu connais le début, le milieu et la fin, quoi. Parce qu'en fait, tu sais pas exactement comment ça se passait, et du coup, il faut que tu écrives ton histoire comme un arbre. Voilà. Un arbre des possibles. C'est-à-dire que, par exemple, mettons au début, tu sais que ça va se passer dans un village, et ce que tu as prévu, c'est que un vieil homme va voir les personnages et va dire au secours, mon petit-fils a disparu dans la forêt. Eh bien là, déjà à ce moment-là, tu vas ouvrir ton arbre parce que tu dois prévoir qu'est-ce qui se passe si les personnages disent eh oui, on va t'aider. Tu dois aussi prévoir ce qui se passe si les personnages disent désolé, vieil homme, mais on n'est pas intéressé à t'aider. Donc dans ce deuxième cas, par exemple, eh bien, soit tu dois prévoir en fait une autre aventure. Mettons par exemple. Comment les anciens du village proposent aux personnages de suivre, je sais pas, par exemple une cérémonie d'initiation. C'est une autre aventure parce qu'ils ont refusé la première, quoi. Ou alors tu peux prévoir, eh bien si les personnages refusent d'aider le vieillard, eh bien un de leurs amis va aussi disparaître en forêt. Ce qui fait que tu vois en fait un petit peu entre guillemets, tu essayes de les intéresser quand même à ton histoire, quoi. Ça dépend à quel point tu veux respecter la liberté des joueurs et des joueuses. Si tu veux vraiment beaucoup respecter la liberté, eh bien, en cas de refus dans ton arbre, tu dois vraiment prévoir de partir sur une toute autre aventure, quoi. Si au contraire, tu veux quand même être très resserré sur une intrigue bien précise, eh bien, en cas de refus des personnages, tu vas prévoir en fait un rebondissement qui fait que ils vont quand même devoir s'intéresser à l'histoire première, quoi. C'est-à-dire que toi, ton objectif en tant que de maître de jeu, c'est que les personnages s'intéressent à la cause des disparitions en forêt. Pourquoi des gens disparaissent en forêt? Tu veux que les personnages enquêtent, donc tu vas un petit peu, j'aime pas trop le mot, mais dire forcer dans ce sens, quoi. Donc là, c'est vraiment à toi en tant que maître de jeu de savoir à quel point tu es ce qu'on appelle dirigiste ou au contraire permissif et ouvert aux idées des joueuses. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, hein. Je veux dire, c'est pas du tout grave d'être. C'est très bien d'être dirigiste si tu veux offrir une histoire très très construite aux joueurs et joueuses. Et c'est très bien d'être permissif si au contraire tu préfères liberté, si tu préfères respecter leur liberté. Sachant que nous, ce qu'on a fait, on a encore fait une troisième approche puisque ensemble on a plutôt improvisé, quoi. Donc il n'y avait pas tellement de scénarios préécrits. Et là, pour le coup, du coup, on respecte vraiment beaucoup, totalement la liberté des personnages, parce que, du coup, quelles que soient les décisions des personnages, bah, on va s'adapter, on va improviser, quoi. Je mettrai, du coup, dans les liens, je mettrai une petite structure de scénario qui s'appelle le scénario en matrice. Enfin, grosso modo, c'est comment écrire un arbre, en fait, comment écrire un scénario en arbre qui soit pas trop compliqué. Trop compliqué à faire, quoi. Après, il y a vraiment beaucoup de façons de faire des scénarios. J'en donne une dernière quand même qui se différencie pas mal de ce que j'ai décrit. Il y a ce qu'on appelle les bacs à sable. C'est en fait les bacs à sable, tu prévois juste des débuts d'histoire. Donc, par exemple, j'ai prévu le village. Donc, Et en fait, il y a plein de débuts d'histoire, c'est-à-dire que je sais qu'il y a un vieillard qui va venir te voir et dire que son petit-fils est disparu en forêt. Il y a aussi des anciens qui vont te proposer une cérémonie d'initiation. Et puis, je sais aussi qu'il y a une jeune fille qui veut aller explorer la montagne et qui a besoin d'aide pour explorer la montagne. Et puis, mettons, il y a des enfants qui proposent un jeu magique. Et donc, voilà, là, par contre, j'ai inventé quatre débuts d'histoire, quoi. Et en fait, un bac à sable, ce sont que des débuts d'histoire comme ça. Et du coup, tu vas te balader dans le village au début. Et puis, en fonction de où tu vas dans le village, ben le maître de jeu va dire: ah bah tiens, là tu vois des enfants, il te propose un jeu magique, là il y a un vieillard qui te parle, tout ça. Et là, du coup, c'est aux joueuses de choisir, de décider à quoi elles s'intéressent, sachant qu'il n'y a pas une mission qui est plus importante qu'une autre, quoi. C'est aussi une façon de respecter la liberté, tout en ayant quand même préparé des choses, quoi. C'est ça. Donc, lui, il a la capacité parfois de. Il contrôle tout. Les autres joueurs. Il contrôle tous les autres joueurs. Il a la capacité de recadrer les joueurs parfois quand ceux-ci s'éloignent un peu plus. Il les ramène dans le chemin. Je vois un peu. En fait, je comprends là bien son rôle. Après, bien sûr, c'est vrai qu'en tant que maître de jeu, tu as une position d'autorité, quoi. Tu es un peu l'arbitre. Mais il faut rester bienveillant. Hein. C'est un jeu, donc il faut que tout le monde s'amuse. Des fois, il ne faut pas hésiter un petit peu à couper dans son scénario, couper dans son histoire, pour que tout le monde soit content, quoi. Hein. Voilà, il faut rester, c'est très important, je pense, il faut rester bienveillant envers ses joueurs et joueuses, quoi. D'accord. Et bon, là, moi, je vais rebondir là-dessus, la question du nombre de joueurs. Ouais. Parce que je fais allusion au nombre de joueurs, parce que moi qui suis, par exemple, avec les enfants, est-ce que je peux faire jouer toute ma classe de 30 élèves en même temps? Si oui, comment, par exemple? Alors, si tu as, en fait, moi, ce que je te propose, du coup, c'est que tu vas imaginer, alors, 30, tu vas imaginer 5 personnages. Donc, par exemple, le guerrier, la conteuse, une sorcière, et puis, je sais pas, deux autres personnages, qu'est-ce que ça pourrait être? Un enfant, et puis l'ancienne du village. Voilà, je t'ai imaginé 5 personnages à la volée. Exactement. Et donc, tu fais des groupes de 6. Tu fais des groupes de 6, et donc, tu as 6 enfants qui ont un personnage. Et donc, quand ils veulent faire agir leur personnage, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. D'accord. Et je dirais le mieux, si tu veux pas trop de cacophonie, parce que du coup, ils vont tous vouloir parler en même temps, c'est que tu présentes... Il faut un chef de groupe. Voilà, il faut un chef de groupe qui va, en fait... du coup, toi, tu ne vas parler qu'au chef de groupe. En fait, quand ils veulent prendre une décision, le groupe de 6, ils se mettent d'accord entre eux. Puis après, c'est le chef de groupe qui vient te voir et qui te dit, bah voilà ce que fait la sorcière, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la foule? Alors, qu'est-ce que tu appelles... Dans un cas où il y a, par exemple, la foule. Dans un cas où je fais intervenir la foule, qu'est-ce que tu penses de la foule? Alors, qu'est-ce que tu penses, par exemple, quand je fais allusion à la foule, je fais allusion, tu te rappelles, dernièrement, on a évolué dans un environnement qui était un peu, qui était villageois et autres, et puis on était allé au marché, voilà. Oui, il y avait beaucoup de monde, oui. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut avoir cette présence du monde là qui fait du bruit? Pour revenir au départ, quand on parlait des bandes de son et autres, voilà. Bah oui, bien sûr, tu peux mettre une bande son une bande son de marché. Ce qui est souvent conseillé, de toute façon, quand tu veux faire une description qui est immersive, c'est d'utiliser les 5 sens. Donc on est sur un marché, il faut que j'essaye de me dire, faut j'essaye de comment d'évoquer donc les 5 sens. On a la vue, donc évidemment tu vas décrire un peu les couleurs, qu'il y a beaucoup de monde. On a l'ouïe. Donc tu peux parler, je sais pas moi, des bruits de klaxons, des gens qui parlent, des voix fortes. Peut-être qu'on entend différentes langues, on entend des chiens qui aboient, je sais pas. Bon, j'imagine des choses, hein, je suis peut-être pas du tout joueur local. Et donc tu vas imaginer, bah, on a les odeurs, quoi, hein, donc qu'est-ce qu'on peut sentir sur un marché, quoi? Peut-être des fruits qui commencent, tu sais, qui commencent un petit peu à trop mûrir. On a des odeurs d'animaux, les parfums des gens, tout ça. Eh ben ça y est, j'ai oublié les cinq sens. On a le toucher, donc peut-être que tu peux dire que les gens te bousculent, que un beignet de manioc, il est chaud dans les mains, tu vois. Ça sert pas chaud du tout. Excuse-moi si je dis des bêtises. La vue, il y a la vue, le toucher, l'ouïe. Voilà, La vue, le Louis. toucher, l'ouïe, l'odorat. Et il y a un autre là qui nous échappe un peu. C'est fou ça. Bon, bon, vous avez compris, il faut utiliser les cinq sens, y compris celui qu'on a oublié. Bon, c'est valable dans beaucoup de situations, mais c'est vrai que quand tu veux décrire une foule de façon un petit peu immersive, c'est vraiment là où c'est très approprié. Et aussi, ce qui est important avec une foule, c'est que bon, toi, tu vas un peu décrire, mais il faut vraiment que tu sois ouvert, parce que du coup, dans une foule, il peut y avoir tout type de personnes. Donc, mettons, quelqu'un te dit, ah ben, je vais m'adresser au forgeron. Pas parler de forgeron dans ta foule, tu n'en as pas parlé, mais c'est vrai que c'est assez logique que dans un marché, il y a un forgeron. Enfin, on peut supposer en tout cas. Après, si vraiment ça t'embête qu'il y ait un forgeron, bah, tu vas dire qu'il n'y en a pas. Mais la plupart du temps, le bon sens fait que tu vas accepter, quoi. Donc, dans des situations de foule ou tout simplement quand on est dans une ville, ou même dans un village dès qu'il est un peu grand, eh bien, les joueurs et les joueuses vont pouvoir invoquer des choses que tu n'as pas décrites, mais que ce serait assez logique qu'elles soient là, quoi. Donc ça, c'est important d'être ouvert à ça, puis d'accepter, quoi. Parce que généralement, ça va rebondir sur des choses intéressantes, donc pour moi, il n'y a aucun souci à refuser, quoi. Mais après, des fois, surtout quand tu as des personnes qui débutent, les gens, ils vont faire des choses. Tu vas jouer, c'est vrai que tu vas jouer pour l'aventure, mais les gens, ils vont faire des choses aussi juste pour essayer, quoi. Genre, la personne, elle veut aller boire de l'alcool. C'est juste pour. Alors, tu vois, par exemple, c'est ce que les jeunes voudront essayer de faire, quoi, si tu joues avec des jeunes. Ils vont te demander. Tu es dans un marché, ils vont te demander s'ils peuvent acheter de l'alcool, tu vois. Donc après, tu dis non, tu dis oui, c'est toi qui vois, quoi. Mais disons que des fois, les personnages, ils vont faire des choses juste pour. Parce que c'est rigolo de tenter des choses dans l'imaginaire, quoi. Ça fait pas du tout avancer l'aventure, mais c'est entre guillemets, ça, c'est dépaysant quand même, quoi. Oui. Alors on a, là on a déjà parlé pas mal de temps. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce qu'on a déjà bien défriché et que ça ferait un document de taille raisonnable pour notre auditoire? Je fouille dans mon board si j'ai encore quelques questions. On a fait allusion à, oui, tu m'as dit que c'était les années 70. Là, on parlait de pratiques. Mais maintenant, on va faire allusion à quelques créateurs, hein. Bon, tu es déjà là, ça c'est clair. Oui, on fait Oui. allusion à quelques créateurs. Oui. Alors les jeux de rôle historiquement, donc si tu veux, les premiers jeux de rôle c'était très inspiré de la fantasy. Et donc du coup on avait des créatures dans les premiers jeux de rôle, des créatures qui étaient inspirées bah, tout simplement du folklore médiéval européen hein, pour dire les choses comme elles sont quoi. Donc du coup tu avais des dragons, des gobelins, des choses comme ça. Après, évidemment, bah, tu peux inventer ce que tu veux. Bon, aujourd'hui, il y a des tonnes de jeux de rôle avec des folklores très différents, donc qui présentent des créatures issues. Tu peux avoir des créatures, par exemple, si tu fais un jeu de rôle qui se passe au Japon ou dans un Japon imaginaire, eh ben, le folklore y a un folklore de monstres très particulier au Japon. Il y en a plein des différents et tout qui n'ont rien à voir avec le folklore européen, et on peut les utiliser comme créatures, quoi. Et de même, bah, évidemment, si tu situes ton aventure au Cameroun, ça peut être intéressant d'utiliser du coup des créatures du folklore camerounais, quoi. Hein. Des contes. Soit tu vas prendre une créature voilà, qui est vraiment copier-coller d'un conte camerounais, ou tu vas, entre guillemets, inventer une nouvelle créature, mais en te basant quand même sur un folklore. Par exemple, est-ce que au Cameroun, à ton avis, c'est quel animal qui symbolise la méchanceté? Bon, la méchanceté, le serpent. Serpent, bon, le ben serpent, voilà. Ouais, le serpent peut-être, et la même. Après, ici, il n'y a pas un animal typique qui symbolise la méchanceté. C'est vrai que pendant que certains symbolisent la méchanceté avec le serpent, chez les Bamoun, par exemple, leur emblème, c'est le serpent. D'accord. Donc, tu vois, donc c'est discutable. Tout à fait. Alors, on peut utiliser ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une créature, tu sais, qui a un corps humain et une tête de serpent, par exemple, ou qui soit juste un grand serpent. Hein. Enfin, ça, c'est tu vois comme tu fais. Et puis, peut-être qu'en fait, effectivement, dans une culture, en fait, cette créature est respectée, quoi. Et que les gens qui viennent d'ailleurs, eh bien, ils pensent que cette créature est maléfique, tu vois. Oui. Donc, ce qui fait que selon d'où tu viens, tu n'as pas le même regard sur la créature, quoi. Bah, c'était une idée, voilà, pour ça. Bon, j'ai pris une idée comme ça au hasard pour expliquer comment on peut s'appuyer de. Eh bien, comment tu peux t'appuyer sur ta culture pour inventer des créatures, voilà, qui vont bien dans le décor, quoi. Oui, après, on peut purement puiser des créatures dans nos cultures, parce que nous, dans nos contes, nous avons des créatures déjà qui sont, elles sont déjà prédéfinies. Du coup, on peut puiser là-dedans et puis rajouter un ou deux caractéristiques. Tout à fait, oui. D'accord, bon, pour nous qui, ne, nous, qui ne, nous qui sommes tous novices dans le jeu de rôle, est-ce qu'on peut avoir des... Est-ce qu'on pourrait, comme ça, citer cinq jeux de rôle qui sont très présents actuellement? D'accord. Très connus, je veux dire. Ouais, très bien. Donc, dans l'article, moi, j'ai cité des jeux de rôle, mais je ne les ai pas choisis parce qu'ils étaient connus, mais parce qu'ils étaient simples. Donc là, les jeux que je vais te citer, c'est les jeux connus. Après, ils sont pas forcément très très simples, même si je pense quand même que les éditions les plus récentes de ces jeux, il y a quand même un effort qui est fait pour que ça soit compréhensible. Je sais pas du tout si tu pourras te les procurer au Cameroun. J'en sais rien du tout. Le plus connu des jeux de rôle, il s'appelle Donjons et Dragons. En fait, c'est le premier qui a existé. Et donc, ils ont modernisé le jeu. Hein. Donc là, on en est à la cinquième édition. Donc à chaque fois, les règles, les illustrations, l'univers a un peu évolué, quoi. Donc Donjons et Dragons, c'est vraiment le jeu de rôle de la fantasy, quoi. Donc on joue des aventuriers qui vont explorer des souterrains, qui vont rencontrer tout un tas de créatures telles que des dragons, des orques, des gobelins. On peut jouer des magiciens, des guerriers et tout. C'est un jeu énorme, hein. C'est-à-dire qu'il y a, une centaine de livres, enfin je dis pas qu'il faut 100 livres pour jouer, normalement un seul livre suffit, hein. Mais disons qu'ils ont sorti plein de livres pour jouer, il y a des aventures de Donjons et Dragons, il y en a vraiment des tonnes. Voilà. Donc ça c'est le jeu sur lequel tu auras le plus de références, hein, forcément en français comme en anglais. Hein. Il y a une plateforme. Donc sinon, le deuxième jeu, je dirais le plus connu, il s'appelle L'Appel de Cthulhu. Donc, L'Appel de Cthulhu, en fait, c'est inspiré de romans horrifiques d'un auteur qui s'appelait Howard Phillips Lovecraft. Et donc, ça se passe généralement en Amérique dans les années 20, même si en fait, après, tu vas trouver... un peu tous les contextes. Pour parler du contexte africain, je sais qu'il y a au moins deux grands scénarios qui se passent en Afrique. Il y en a un, c'est Les Secrets du Kenya. Et il y en a un, c'est Les Masques de Nyarlathotep. Alors, il ne se passe pas totalement en Afrique, mais c'est une aventure où tu vas te promener à travers le monde. Et donc, je crois qu'il y a un passage en Égypte et je crois qu'il y a un autre pays d'Afrique, mais je ne sais plus lequel. Je ne sais pas du tout si le traitement de ces pays, et si c'est bien fait ou si c'est mal fait, je ne peux pas te dire. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on va jouer dans ce jeu, on va jouer des enquêteurs qui, en fait, tu commences par mener une enquête un peu criminelle, qui a des mystères à résoudre, et en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a des monstres qui viennent d'autres planètes ou d'autres réalités. Il y a des monstres en fait qui sont très hostiles à l'humanité, quoi. Et du coup, le jeu consiste à combattre ces monstres. Donc c'est plutôt un jeu enquête horreur. Et généralement, ça se passe soit au début du XXe siècle, soit en contemporain. Même si après, on peut y jouer un peu à toutes les époques, mais ce qui est le plus représenté, c'est voilà, années 20 et puis années 1920, puis un petit peu de contemporain. Alors, je vais essayer de te trouver des jeux qui sont très connus. Alors, un jeu qui est aussi très connu, ça s'appelle Vampire. Donc, dans Vampire, comme son nom l'indique, on incarne des vampires. donc, c'est un jeu Ah particulier. bon? Voilà, c'est un jeu assez, je précise que c'est un jeu assez sombre. On joue des vampires, donc il y en a tout un tas de sortes. Et puis, ils ont des intrigues entre eux, quoi. C'est. Là, c'est déjà c'est plus adulte, hein, je dirais vampire, quoi. Je ne proposerais pas à des jeunes. Voilà. Alors, je t'ai fait un peu le trio de tête. Je vais essayer d'en trouver quand même deux autres. Si, je vais t'en trouver un qui est quand même très connu et qui propose des thématiques différentes. Ça s'appelle Shadowrun. Et Shadowrun, bon, tout ça c'est des jeux américains, les jeux plus connus sont Shadowrun. américains. Ouais. Shadowrun, en fait, c'est un jeu cyberpunk, donc ça se passe dans le futur de l'humanité. Et donc, avec un petit peu tout l'imaginaire cyberpunk qu'on va trouver dans des films comme Blade Runner par exemple. Et la particularité de Shadowrun, c'est que c'est mélangé avec de la fantasy, parce qu'il y a eu une espèce d'événement magique, ce qui fait qu'en plus de la technologie cyberpunk, la matrice, les implants cybernétiques, on va avoir des orques, des gobelins, des fées, des dragons, quoi. Donc c'est un mélange qui est un peu rigolo, quoi. Alors par contre, je tiens à préciser que Shadowrun, en termes de complexité, c'est très compliqué. Le jeu, je crois que c'est le plus compliqué de ceux que j'ai présentés. Après, bon, on va trouver des versions un peu plus simples. D'accord. Si je devais présenter un dernier jeu, parmi les plus connus, c'est Apocalypse World. Et donc ça, c'est un jeu post-apocalyptique. Donc ça se passe après un petit peu la chute de la civilisation, quoi. Donc dans un contexte qui va un peu rappeler des films comme Mad Max. Et Ah oui, maintenant. voilà. Alors, ce jeu, il est particulier parce que c'est le plus moderne de tous les jeux que je t'ai cités, c'est-à-dire qu'il est, il a été, c'est, il est un peu plus à l'avant-garde, quoi. Donc, notamment, on donne plus de pouvoir aux joueurs et aux joueuses. Il y a plus de possibilités aussi de jouer du drame en plus de l'action pure, quoi, parce que les quatre autres jeux que je t'ai cités sont quand même très action pure. Il y a plus de drame dans Apocalypse World. Voilà, c'est les jeux les plus connus. Je conseillerais pas forcément à un débutant, parce que par contre ils sont compliqués. Tu peux avoir au moins 200 ou 300 pages à lire avant de pouvoir commencer à jouer. Et puis même pour les joueurs et les joueuses, eux n'ont pas besoin de lire, mais quand même il y a des règles à comprendre pour le personnage, ce sont pas toujours simples. Sauf Apocalypse World où du côté pour les joueuses c'est assez simple. Les quatre autres jeux, l'appel de Cthulhu est assez simple pour les joueuses aussi. Mais Donjons et Dragons, Shadowrun, même Vampire, c'est un petit peu compliqué pour les joueurs et les joueuses. Alors c'est humainement faisable, hein, je te rassure. Mais pour commencer, ça peut être un peu. Oui, embêtant pour un novice. Voilà, ouais. Voilà, d'accord. Je crois que là, on en a appris beaucoup. Ouais, je pense que c'est bien, On en a on appris a une heure beaucoup. d'émission là. Voilà. Et donc, là, je n'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, mais j'espère que les questions vont venir un peu plus tard et puis je pourrai les balancer sur ta page. Tout à fait, ouais. Bon, de toute façon, Oui. donc, pour les personnes qui nous écoutent, que vous soyez du Cameroun ou d'ailleurs, eh ben, vous pouvez effectivement, vous pourrez mettre en commentaire, poser vos questions. Posez vos questions en commentaire de l'émission et puis j'essaierai de répondre du mieux que je peux, quoi. Bon, après, je représente que moi-même. Enfin, voilà, c'est ma vision personnelle de ce qu'est le jeu de rôle. Tu trouverais un autre pratiquant de jeu de rôle, tu te dirais sans doute des choses très différentes de ce que j'ai dit, quoi. Effectivement. Ma parole n'est pas universelle, mais bon, voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir ou j'orienterai vers d'autres personnes ou d'autres communautés, quoi. Voilà, après, il faut bien quand même savoir que c'est plusieurs écoles. Cette école, c'est la tienne. Et puis après, forcément, il y a une autre école, et ainsi de suite. Et puis, Sûr, il y a qui plein sait, de. peut-être que ça va se mélanger un jour. Oui, puis ça évolue tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles façons de Voilà. jouer. Enfin, il y en a tout le temps des nouvelles, quoi. Et je pense que si vous vous mettez à y jouer, vous aurez forcément votre façon à vous qui sera encore différente. Et ce sera très très intéressant de revenir voir quelques temps après, voir comment vous jouez. Et Voilà. ça nous Comment ça se inspirera, quoi. passe? Là, bon, ça a été un plaisir, une de traiter la question du jeu de rôle dans un contexte comme le nôtre. Ça, c'est intéressant. Pour nous, l'objectif, c'est de faire connaître la chose, vulgariser la chose et ramener le jeu de rôle, que ce soit à l'école ou alors dans les maisons, pour ce qui est du jeu en général. Oui. Bah, disons que c'est. Moi, je n'ai pas dit le mot, mais en fait, il faut le présenter comme un conte interactif, quoi. C'est un conte où tu peux jouer les personnages. Donc, qu'est-ce que tu ferais à la place du personnage principal? En fait, pour beaucoup de gens, ça va être super intéressant. Je pense qu'on a tous rêvé à un moment d'agir à la place du personnage, de prendre des décisions différentes et tout. Et c'est ce que permet le jeu de rôle. Oui, c'est ça. Et puis, quelquefois, on s'attribue même des rôles, tout Tout à fait. simplement. Oui, de jouer quelqu'un différent Oui. de toi, c'est vraiment dépaysant. Eh bien, je te remercie beaucoup, Gérard. On va arrêter l'émission pour que ce soit pas trop long. Attention, D'accord. hop, au revoir. Au revoir.